Exercice 2. Il est 13h. Notre flash d'information présenté par Blandine Persan. Bonjour. Pour commencer, une bonne nouvelle. L'avion canadien disparu au large des côtes de l'Atlantique avec 155 voyageurs à bord a été retrouvé. Le système de reconnaissance électronique de la tour de contrôle avait perdu le contact avec l'avion. Les responsables à terre ont paniqué, mais l'équipage et les passagers ne se sont aperçus de rien. Le contact a été rétabli vers 12h. Une histoire qui finit bien, mais qui remet en question la sécurité des vols commerciaux.